Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Blues Covers spécial Paul Person. En effet, fin 2023, il a publié deux disques, deux CD aussi en vinyle, de reprises qu'il a intitulées Dédicace My Special Personnel Covers. En effet, ce sont des morceaux français, hein, Hallyday, Eddie Mitchell, Claude Nougaro, Paul Naref, etc., qu'il reprend à sa sauce. C'était en fait, l'idée lui est venue dans les années 90 au départ, et puis il ne l'a pas fait, et puis le temps a passé, et pendant la pandémie, il a farfouillé dans son grenier, retrouvé ses premiers 45 tours, Johnny et Eddie. Et puis là, l'idée est revenue, il l'a travaillé et ça donne deux disques formidables. Je vous propose d'en écouter quelques morceaux, avec aussi les versions originales par les artistes, et puis quelques interventions de Paul Person lui-même, que j'ai piqué sur une interview de Guitar Part que vous pouvez retrouver sur YouTube. J'ai choisi quelques titres de chaque volume et on va les écouter dans l'ordre où ils sont présentés sur les disques. On va commencer avec le volume 1 et c'est Téléphone qui ouvre le bal. J'avoue que je ne me rappelais plus vraiment cette chanson. Le Téléphone, c'est le dernier titre de leur troisième album, Au cœur de la nuit. La chanson s'appelle Le silence. On en écoute un extrait. En marchant tout seul dans ton quartier. Le silence dans la tête et le bruit au dehors, au dehors. Mes pieds contre les pavés, mon cœur contre les nuits glacées. Je file tout au bord du trottoir. Je suis un funambule dans le noir. Non, non. Le silence dans la tête et le bruit au dehors. Demain. Dans mes poches, je serre les poings. Je me sens bien au creux des mains. Le silence dans la tête et le bruit. Donc voilà le petit riff de slide sur le morceau de Téléphone, Le silence. Évidemment qu'il n'y avait pas à l'origine, mais que j'ai trouvé un soir, par illumination. Regardez comme ça Johnny Hallyday, voici donc le fameux « Je suis mordu » présent sur son deuxième 45 tours dont le titre venait et « Souvenir, souvenir » en 1961. Tout comme pour moi, c'est la révélation pour René-Paul Roux, le vrai nom de Paul Personne. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon, vous ferez comme moi, vous serez les bras en croix. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type fichu. Je suis mordu. Et elle a des yeux étranges. Vous croyez voir un petit ange, mais ne vous effrayez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. Je suis mordu pour un petit oiseau bleu. Tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors toute la nuit, je suis tout rabougri et tout ça sans résultat. Wouh, je suis fichu. Ah ah ah, je suis mordu. Donc après, il y a le Johnny, je suis mordu. Évidemment, c'est un riff qui n'existe pas sur l'original, vu que c'est très up-tempo, un peu rockabilly et tout ça. Comme moi, j'en ai fait un truc un peu plus heavy, avec le tempo dédoublé, plus comme ça, quoi. Et donc, j'avais ce riff en mi assez simple, quoi, qui faisait... Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Bleu, et ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps. J'ai le cœur qui bat très fort. Vous voyez le résultat. J'ai l'air d'un type fichu. J'suis mordu. Ouais, j'avoue. Ouais, elle a l'air de pas s'y toucher. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon, vous ferez comme moi. Vous serez les bras en croix. voyez le résultat. J'ai l'air d'un type fichu. Je m'en doute. Oh, elle a des yeux étranges. Vous croyez voir un petit ange, mais ne vous y fiez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. Je m'en doute. Pour un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je me tords de la nuit, je suis tout rabougri et tout ça sans résultat. Ouais, je suis fichu. Je suis mordu. Que j'en deviens un gâteux. Je dors plus de la nuit. Je suis tout rabougri et tout ça sans résultat. Ouais, je suis fichu. Je suis mordu. Ouais, je suis mordu. Ouais, j'avoue. Ouais, je suis mordu. En 1966, enregistre à Londres l'album Sol, et ce Société Anonyme est un morceau parmi ses meilleurs de cette époque. C'est devenu un standard. Il y a aussi, il faut le dire, un orchestre formidable, c'est le London All Star, qui voit dans ses rangs des guitaristes pas encore très très connus comme Jimmy Page, John McLaughlin et Big Jim Sullivan qu'on entend sur ce disque. C'est Barclay en fait qui employait ce groupe, et beaucoup d'artistes de chez Barclay allaient enregistrer à Londres avec ce formidable groupe anglais de studio. Le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à Monsieur Grand Nom. Voilà, ça c'est le riff d'intro du morceau d'Eddie, Société Anonyme, évidemment qui est complètement différent de la version originale. Mais voilà, avec cette petite tournerie, et après il y a tout le backing band qui rentre et il y a une slide qui déboule, et c'est parti quoi. Le morceau de d'Eddie c'est... Tu vois, c'est un morceau comme ça, et moi je le joue. Toi,

Ça se passe boulevard Haussmann à 5h. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle efface. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières, soudain sur les joues qui coulent, dans la fourmilière, c'est l'ultra-moderne solitude. Alain Souchon, l'album Ultra-moderne solitude. Lui aussi, il a enregistré à Londres et un peu aussi à Bruxelles et à Paris avec des musiciens anglais. C'est une composition évidemment de Alain Souchon et Laurent Voulzy. L'album est paru en 1988. Sur les joues qui courent moi je comprends pas. Benoît Blueboy, l'album original sorti en 1980 sous le label Vogue. Eh oui, je ne sais même pas si Vogue existe encore. Une maison de disques prestigieuse dans les années 60-70 et donc encore en 80. Dans cet album, il y a pas mal de titres vraiment sympathiques. Les Petits Boogies, Louisiana, qui a repris aussi The Duo. Et puis ce fameux « Les trucs que tu fais » qui a été aussi repris par Steve Verbeek, le fils de Patrick Verbeek, chanteur et harmoniciste. Ah, puis dans ce disque, il y a aussi « Tu parles trop », une chanson reprise par Johnny Hallyday, et aussi Eddie Mitchell avec « Les chaussettes noires », « La boucle est bouclée ». On n'était pas toute seule là-bas dans la rue, on n'était pas toute seule là-bas dans la rue. Voilà, ça c'est le morceau de Benoît Blueboy. C'est sur une base de riff comme ça, très, très bluesy, où après je m'amuse dessus avec des petits solos de guitare. C'est un trois accords blues avec une petite subtilité de passage d'accord à un moment, mais voilà, avec le texte rigolo de Benoît. Voilà, comme je dis sur le livret, j'ai remplacé un peu les solos d'harmonica par ma guitare, mais sinon je suis... assez proche de l'original, j'ai repiqué quasiment le riff de guitare qu'il y avait dans sa version. J'ai tout fait et même tout essayé. Tu racontes n'importe quoi. Y'a des trucs que tu fais, moi je comprends pas. Y'a des trucs que tu fais, moi je comprends pas. Quand je me lève le matin, elle est déjà partie. Et quand je rentre le soir, je suis tout seul dans mon lit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici pour m'expliquer? À chaque fois que je veux te voir, moi je me casse le nez. À chaque fois que je veux te voir, moi je me casse le nez. Que passe la nuit à travailler et qu'à la fin du mois tu vas remplir le chéquier. Pourtant